Le 7-9. 8h56, François Morel en duplex des studios de la radio-télévision suisse à Genève. C'est à vous. Bonjour. Le professeur des écoles venait de sonner le début de la récréation. Comme chaque jour, les enfants étaient sortis de la classe dans un joyeux brouhaha et lui était resté derrière son bureau. Ses collègues, ce matin-là, avaient en charge la surveillance de la cour. Tranquillement, le professeur des écoles effaça le tableau noir, sortit sa cigarette électronique, puis entr'ouvrit la fenêtre. Sans le vouloir, il surprit une conversation. Hey, y a Benji, il a montré son zizi. C'est même pas vrai. Si, c'est vrai. C'est même pour ça qu'il vient plus à l'école, il a été puni. C'est même pas vrai. Si, c'est vrai. Il voulait être délégué de classe, il veut plus y être. De toute façon, il aurait jamais été élu délégué de classe. Si, il aurait pu y être délégué de classe. Même pas vrai. Personne voulait voter pour lui. De toute façon, Benji, c'est un crâneur. Même les filles, elles voulaient pas voter pour lui. Benji, c'est un crâneur. T'en sais rien de toute façon. Toi non plus, tu vas pas être élu, toi aussi t'es un crâneur. Et en plus, Benji, il a montré son zizi. De toute façon, t'es qu'un gros pépère qui pue du derrière. Celui qu'il dit qu'il y est. T'es qu'une grosse patate pourrie. Celui qu'il dit qu'il y est. M'en fous, t'es plus mon copain. M'en fous, t'as jamais été mon copain, je te déteste trop. T'es qu'un prout qui sent des pieds. T'es qu'un prout qui sent des pieds. Si je veux, je m'en fous, je dirais des trucs que je sais sur toi qui sont pas très très très jolis, monsieur gros prout qui sent des pieds. Rapporteur. Je m'en fous, je dis ce que je veux. Benji, il a montré son zizi. Professeur des écoles sourit. Il en avait assez entendu. Ces conversations enfantines, somme toute inoffensives, anodines, récurrentes, elles étaient ni plus ni moins le quotidien des cours de récréation. Il ne fallait pas s'en alarmer, ni leur donner trop d'importance. Le mieux que les adultes avaient à faire, c'était de ne pas s'en soucier. En refermant la fenêtre de la classe, le professeur des écoles s'aperçut de sa méprise. Il n'y avait pas d'enfants sous la fenêtre, juste la rumeur d'une journée dans la vie des plus importants responsables de la politique française. Benji, il a montré son zizi. Merci François Morel et Antoine Salaire, et merci à la radio-télévision suisse.